Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à l'Aérospatiale, le magazine radio dédié aux arts visuels à Québec. Audrey Caro et Jean-Tiane Lafranche, Jean-Tiane, je te débaptise avec vous, donc, ce mardi 2 février. Bonsoir, Jean-Tiane. Bonsoir, Audrey, ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, ça va bien. Alors, on entame ce nouveau mois de 2016, un mois qui sera marqué par le mois multi qui débute d'ailleurs cette semaine. Oui, février, le mois du mois multi. Donc, on va avoir l'occasion au cours des prochaines émissions de couvrir les installations. Donc, on va consacrer deux moitiés d'émissions avec un ensemble de chroniqueurs, chroniqueuses pour jaser un peu des installations. Et on va également avoir l'occasion de recevoir Rue d'ingénierie un peu plus tard dans le mois. Oui, alors plein de belles choses à découvrir sur cet événement qui marque l'hiver à Québec en arts visuels. Oui, multidisciplinaire. Oui, ça réchauffe l'hiver, même si on n'en a pas besoin tant que ça de se faire réchauffer cet hiver. Super. Alors, bien, notre émission aujourd'hui, il faut dire, elle est 100% entrevue. On s'en est rendu compte après coup. Donc, on reçoit tout d'abord, on va dire, Jean-Tiane, tu vas t'entretenir avec Mikhail Bielinski, donc, qui a un spectacle. Oui, Mikhail Bielinski qui présente Gloria, donc un spectacle immersif demain le 3 et après-demain le 4 dans le cadre du mois multi. Donc, un spectacle solo avec des projections vidéo. On en reparle tout à l'heure. Ah oui. Et nos chroniqueuses auront aussi le plaisir de discuter avec des invités. On va recevoir tout à l'heure Andriane Lesage qui sera accompagnée de l'artiste Anne-Marie Groux qui présente actuellement des pièces dans la vitrine et le hall d'entrée de la Maison des métiers d'art de Québec. En deuxième demi-heure, je vais questionner l'historien d'art Patrice Loubier au sujet de sa conférence « Caché, embusqué, survenir, pourquoi un art furtif » qu'il présentera ce jeudi à l'École des arts visuels. Et finalement, Louane Bourdeau nous parle de sculpture sur neige et elle aura comme invité le sculpteur Bernard Hamel. Donc, quand même intriguant. Oui, parce que le mois de février n'est pas seulement le mois du mobility, mais aussi le mois du carnaval. Exact. Alors, simplement vous rappeler que vous pouvez trouver toutes les informations sur les actualités en arts visuels, les émissions en balado-diffusion, le calendrier aussi très exhaustif des événements en arts visuels à Québec, ainsi que des billets publiés par nos collaborateurs et la sélection audio de Simon Roy. Tout ça, bien sûr, c'est sur notre page web, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com et, bien sûr, notre page Facebook. Justement, parlant de sélection audio, cette semaine, Simon Roy nous propose une sélection audio de l'artiste Araxis, c'est sur le EP Hidden Gems Volume 1 et on s'en va écouter l'extrait Blossom. The perfect blossom is a rare thing. You could spend your life looking for them, and it would not be a wasted life. We'll be right back. Alors, de retour à l'aérospatiale, j'entienne la France au micro. Donc, je reçois en entrevue Michael Bielinski, qui est actuellement au mois multi à Méduse. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Ça va bien? Oui, très bien. Oui, donc ce soir, c'est soir des générales. Exactement. Alors, tout se passe bien, on s'installe. Oui, on fait des petites retouches, on est prêts, nerveux. Donc, tu es chanteuse, musicienne, poète, comédienne, conceptrice musicale pour le théâtre et membre du duo satirique Crément Impérial. Je pense que tu es une artiste multidisciplinaire, si je ne me trompe pas. Bonsoir. Michael? Je pense qu'on a un problème de téléphone en ce moment. Oui. Bonjour? Oui. OK. On a perdu la ligne. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est très possible. Donc je recommence. Oui. tout va bien. Alors, tu es chanteuse, musicienne, poète, comédienne, conceptrice musicale pour le théâtre et membre du duo satirique Crément Impérial. Donc, ce que je disais, c'est que tu es une artiste quand même assez multidisciplinaire. Tout à fait. Donc, touche à tout. Mais c'est une formation en théâtre que tu as fait à l'UQAM, c'est ça? Oui, j'ai fait interprétation à l'UQAM. Mm-hmm. Et puis, le spectacle que tu présentes au mois multi, Gloria, tu l'as déjà présenté au OFTEA l'an dernier à Montréal. Oui. Et puis, je voulais savoir, je pense que ça fait quelques années que tu travailles sur ce spectacle-là. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont avoir changé depuis la présentation que tu as fait l'an dernier? Alors, on a seulement peaufiné certains aspects, notamment ceux de lumière vidéo dans le spectacle, parce qu'on a beaucoup de projecteurs. Et ça, c'est un aspect qu'on a, c'est ça qu'on a. On a même retravaillé là, jusqu'à en fin de semaine pour s'assurer que c'est au point que ça amène, que ça améliore le sens, ça enrichit le sens du spectacle. Donc, une bonification, si on veut, ouais. De la projection. Donc, théâtre et chant polyphonique. Tu travailles le chant polyphonique, des inspirations d'Europe de l'Est. Et puis, en croisant ces deux mondes-là, je voulais savoir, est-ce que tu travailles un peu les voix comme des personnages en dialogue ou... Il y a un peu de ça, en fait, ce qu'on a fait pour Gloria. On a... chercher dans la forme des chansons un sens, trouver une signification, une narration qui pourrait émaner de la façon dont on chante quelque chose. Donc, par exemple, je chante un chant bulgare, mais à la fin, je le pousse dans les aigus et je vais très, très loin jusqu'à casser ma voix. Et ça, disons, dans l'histoire, c'est un moment où on se met en danger, où est-ce qu'on a peur, où est-ce que... on prend des risques ou est-ce qu'on est confronté à l'inconnu, puis ça se transmet par la voix. Donc on va chercher une théâtralité dans la voix. Donc une dramatisation, oui, du chant qu'une narrativité, comme si les voix étaient des personnages. C'est ça. Mm-hmm. Donc un travail plus la dramatisation. Et puis ton travail touche aussi à beaucoup de disciplines. T'es multidisciplinaire, interdisciplinaire. On sent vraiment ta volonté d'instaurer un dialogue entre les différents médiums, si on veut. Tu fais du VJing, tu chantes, ça relève également de la performance. J'aimerais savoir, quand tu es en processus de création, est-ce qu'il y a un médium en particulier à partir duquel tu commences, ou bien est-ce que tu vas butiner d'un médium à l'autre dans ton processus de création? Pour ça a vraiment été d'un médium à l'autre. On a beau dire qu'on commence par des chansons ou qu'on commence par des poèmes, c'est des fois l'imagerie qui va nous inspirer davantage. Et après, on se dit comment travailler la musique ou comment travailler la voix pour décupler le sens de ce qu'on fait, d'une scène ou d'un morceau. Donc, c'est vraiment, je dirais, à tâtons qu'on avance, puis on y va par élimination. Donc, parfois, c'est la vidéo, c'est l'image qui inspire, parfois, mm-hmm. c'est la voix, parfois, c'est la poésie. Tu récites aussi de la poésie. Oui, on a des poèmes projetés aussi. Donc, c'est plusieurs voix, disons, qui dialoguent ensemble. Des fois, la vidéo est en majeur et la voix se tait. Donc, il y a comme toujours quelque chose qui lead, mais c'est comme un peu une course à relais, là. Oui, oui, c'est intéressant la métaphore de la course à relais. Il y a donc un peu comme des vagues ou des variations ou mm-hmm. Oui, ou un moment où un médium prend le devant de la scène, si on veut. Puis ça dit quelque chose. Ça, si on se dit qu'à un moment donné, tout le vidéo prend le dessus sur l'interprète et là on tombe dans un autre monde que la vidéo amène. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on a inspectées avec beaucoup de raffinement. C'est un spectacle qui offre aussi beaucoup de réflexions philosophiques, je pense, qui se questionnent sur l'existence, le rapport de l'être humain avec la nature. J'ai pas vu le spectacle, j'ai vu quelques extraits vidéo, mais je pense qu'il y a des scènes de survol, de paysages grandioses, magnifiques. Donc il y a quelque chose de l'esthétique du sublime dans tout ça. Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est justement le point de départ du spectacle, d'aller dans le grandiose. En fait, j'ai abordé le spectacle surtout d'un point de vue esthétique et philosophique d'abord. Donc, je me disais, c'est ça, comment créer du sublime, comment parler du sacré. Oui, il y a un lien avec la nature, mais c'est pas que ça. C'est aussi relié disons, à son potentiel créateur, et c'est là que ça va plus loin dans la philosophie, à quel point on est créateur de notre propre existence, à quel point on est des artistes, disons, de notre vie. Oui, et puis il y a beaucoup dans ta poésie de boucles où ça commence, le commencement, la fin se rencontre. Mm-hmm. C'est plus dans ce poème-là, on est dans la philosophie plus de l'ordre du zen, une chose vaut une autre, on n'est pas... voilà, tout à fait. c'est très intéressant. Donc, une dernière question. Ton travail est très peaufiné, très raffiné. Je me demandais si tu travailles ou s'il y a de la place à l'improvisation dans le spectacle. Est-ce que tu te laisses emporter par certaines variations? Alors, la zone d'improvisation, elle est vocale. Mm-hmm. Justement, les moments dans le spectacle où on sent que la voix prend un envol, que la voix est libre, la liberté s'incarne dans le fait que j'improvise, puis je peux partir sur toutes sortes de notes, là, donc toutes sortes de rythmes aussi. La voix est libre, donc ça, ce sont mes zones de jeu. Donc, tu te laisses porter par ta voix et par le chant. Mm-hmm. Très intéressant. Mais merci beaucoup, Michaël Bielinski. Donc, ton spectacle demain à la salle multi de Méduse. Et après-demain, je te souhaite une bonne générale ce soir. C'est bien gentil. Au revoir. Merci. Donc, nous allons partir en pause audio avec toujours Araxis, une sélection audio de Simon Roy, un extrait de la pièce Future. I have peddling this barbed wire all across the country has taught me one thing, sir, is that you never know what the future might bring. The future. Thank you. Alors, de retour à l'aérospatiale et on avait envie, pour poursuivre sur le mois multi, très rapidement vous parler d'un événement, un cabaret, parce qu'on le sait, le mois multi, il y a depuis longtemps, c'est une tradition d'avoir des cabarets qui étaient à la fois autrefois plus dans l'audio, alors que là, cette année, Ariane Plante a voulu faire des cabarets dont mobiles, mais qui pouvaient être à la fois audio, vidéo et toutes sortes d'improvisations en quelque sorte, et un qui sera présenté ce samedi, c'est à vrai dire celui qui est à l'œil de poisson. Donc, ce qui est intéressant, c'est Alexandre Bérubé avec des collaborateurs, donc des jeunes de l'Université Laval, donc des étudiants au baccalauréat, qui présentent ce cabaret-là, donc, qui va être à la fois sonore et vidéo, mais qui va utiliser le lieu pour générer, à vrai dire, leur projet. Si on donc, peut c'est dire. Dans les ateliers de l'œil de poisson, si je me trompe. Exactement, oui, c'est ça, dans les ateliers même. Donc, ils vont pouvoir interagir avec les outils, les objets autres aussi qui s'y trouvent, mais également, il va y avoir de la projection vidéo aussi au travers de tout ça pour créer une sorte d'expérimentation, de laboratoire autour de l'appartenance du lieu. Des gens qui y travaillent, que ce soit donc oui les travailleurs, mais aussi les membres qui viennent travailler, donc explorer les différentes temporalités, usages qui se fait aussi par rapport à ce lieu-là. Donc l'idée est avant tout de nous le faire découvrir sous un nouveau jour. Puis c'est intéressant parce que les ateliers de centres d'artistes comme ça, où les différents artistes sont invités, viennent en résidence, sont remplis de traces. Exact. De toute l'histoire est visible dans ces traces. Donc, à l'œil de poisson, on pense à ce nez énorme qui questionne tout le monde qui y entre pour la première fois, mais plein de petits éléments qui décorent les lieux et dont le souvenir n'appartient qu'aux techniciens qui y sont, qu'aux artistes qui y sont passés. Donc, c'est toujours très, très intriguant et très vivant, ces ateliers collectifs d'artistes dans les centres d'artistes. Oui, puis c'est d'ailleurs, j'ai discuté avec Alexandre Bérubé qui me disait qu'effectivement, il dit quand on s'y met, on s'y attarde, on est vraiment capable de sentir l'esprit du lieu, qu'il s'est passé quelque chose. Puis il me disait aussi que cette intervention-là sera inspirée aussi du côté un peu humoristique, ludique aussi, qui règne dans l'atelier de l'œil de poisson, que ce soit, comme tu le dis, avec ces traces d'œuvres qui ont été soit laissées là par les artistes, ou des, même c'est juste des petits éléments, je pense par exemple à des flammes en plexiglas là, de BGL, à des dessins aussi qu'on peut trouver là, de Joseph Kiefer, parce que l'œil de poisson reçoit aussi des artistes en résidence à chaque année, puis ils s'installent sur la mezzanine de l'atelier de bois et en quelque sorte, chacun laisse un peu sa trace, là, que ce soit au mur, puis avec de la peinture ou des objets qui restent là. Donc, je pense que ça va être fort intéressant de découvrir ça. C'est ce samedi à l'atelier, comme on dit, l'œil de poisson, au 541 Saint-Vallier Est. Et c'est à 21h et c'est gratuit en plus. Donc, pour aller découvrir des expérimentations, donc de Alexandre Bérubé, il y a Najwa Benani, Diego Pena ainsi que Jean-Michel René, donc qui vont nous présenter ce laboratoire, qu'on peut dire. C'est très intéressant cette initiative d'Ariane Plante d'aller explorer les méandres de Méduse, donc de sortir un peu de la salle d'exposition. De la salle d'exposition ou de la salle de spectacle du bar du Cercle où il y avait les cabarets avant, alors que là on est vraiment dans des lieux justement qui ont une histoire, qui ont une mémoire, qui ont des fonctions autres, donc qui ont des fonctions de circulation, de passage, mais qui ont vu beaucoup, beaucoup de choses passer hein, dans toutes les années d'existence de la coopérative. Exact. Alors voilà, une activité à découvrir. On change maintenant de sujet. Andréane Lesage, bonsoir. Bonsoir. Alors, malheureusement, notre invité s'est décommandé à la dernière minute, mais tu vas quand même nous glisser un petit mot sur l'exposition, en quelque sorte, les pièces qui sont présentées de Anne-Marie Groux à la Maison des métiers d'art. D'ailleurs, c'est un lieu particulier où ça se trouve, là, ces pièces-là. Ben oui, c'est dans la vitrine, en fait. Donc, c'est accessible à tous les passants là, sur l'avenue Charest, dans le fond. C'est tout juste à côté de Materia. Donc, il y a 4 pièces qui sont tissées, qui sont exposées là dans la vitrine, mais il y a aussi 3 pièces imprimées qui sont visibles à l'intérieur. Donc, pour ça, il faut évidemment être sur les heures d'ouverture de la Maison des métiers d'art pour entrer, mais c'est vraiment dans le corridor d'entrée. Donc, on peut voir, c'est directement en lien avec ce qui est présenté en vitrine. Donc, l'exposition d'Anne-Marie Groux s'intitule « Kick, amour et séduction ». Et ça donne un peu l'avant-goût justement de l'esthétique qu'elle développe dans ses pièces tant tissées qu'imprimées, une esthétique très kitsch, voulue ainsi évidemment. Et il y a la thématique de l'amour, de la séduction qui est très présente par des motifs qu'on peut associer aussi à la société, disons, de consommation. Je pense à Cupidon, au cœur, même à des anneaux, bon, des bagues de mariage, tout ça. Donc, c'est finalement là, tout ces, cette espèce de langage-là, Saint-Valentin, si vous voulez, qui est cité dans son travail. Et elle s'amuse justement à jouer là-dessus. Donc, dans même ses pièces tissées, elle inclut des matériaux qui sont inusités pour du tissage. Je pense notamment à du gazon synthétique, des cheveux artificiels. Donc, d'autres éléments, finalement, kitsch, qui sont aussi en lien avec la société de consommation. Et elle joue justement sur cette espèce de paradoxe-là entre, bon, des valeurs, peut-être, bon, la valeur amoureuse, tout ça. Et en même temps, comment on peut peut-être être un peu superficiel dans notre approche de ça aujourd'hui. Donc, finalement, un double discours. Et c'est des pièces qui sont très amusantes, je pense, très ludiques, puisque, bon, les couleurs sont très colorées, les motifs sont parfois bon enfant un peu, c'est voulu ainsi. Puis ça donne justement le goût de s'approcher, de bien observer et questionner un peu là, ces pièces-là bien originales. Donc, cette exposition-là, d'ailleurs, est soutenue grâce à une bourse de première ovation. Oui, c'est ça. Et parce que, bon, voilà, elle est finissante de la Maison des métiers d'art de la Cohorte 2015 et elle a reçu cette bourse-là l'automne dernier. Par contre, sa série qui s'appelle aussi Kick, amour et séduction va se poursuivre. Donc, elle est toujours en train de produire d'autres œuvres et ça devrait être complété au mois d'avril. Donc, d'autres de pièces, finalement, là, du même genre qui sont à venir très certainement. Oui, puis c'est intéressant quand on regarde ça ici, la pièce là, qu'on voit sur le communiqué de presse et qui est dans la vitrine. Chose particulière aussi, moi je me rappelle être passée le soir et c'est éclairé, en tout cas moi c'était éclairé rouge aussi, ça attire le regard aussi. Mais il y a cette espèce de serpent qui est brodé dans une des pièces principales et c'est drôle, tout à l'heure tu parlais, tu nous introduisais un peu l'exposition puis j'ai comme pensé au serpent avec Adam et Ève, là. Oui. Quand même, je sais pas, il y a quand même quelque chose. Puis là, enfin, aussi, la façon comment ils sont positionnés, bec contre bec, là, face à face, comme ça, enfin, c'est intéressant. Et puis, c'est une approche aussi, je dirais, particulière qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir dans les métiers à tisser, là, je veux dire, comme ça, cette esthétique-là, comme tu dis, kitsch, rigolote, amusante, ludique, bref, ça amène un peu de diversité, si on peut dire, au médium textile. Tout à fait. Et puis, je me rappelle avoir vu aussi son projet d'exposition à Materia quand elle avait fini. Oui. À Materia, là, c'était assez intéressant. Une genre d'installation où il y avait des éléments tissés, mais aussi des petites sculptures. Là, c'était, je pense qu'il y avait des bols de fruits, si c'était pas tissé ensemble, là, tous ces fruits-là, là, des éléments de textile, avec des éléments orientaux aussi. Je me souviens de ça. Là, c'est vague là, comme souvenir, mais ça avait été intéressant. Puis, je crois aussi qu'elle a un site web. Oui, très intéressant, en fait, à mentionner. Allez faire un tour. C'est au www.ananasbanana, donc ananasbanana.com. Et en fait, c'est un site sur lequel aussi elle vend des, ben, par exemple, des tucs, tout ça, qu'elle fabrique elle-même, qui ont une esthétique aussi très particulière, là. Et ben, finalement, c'est sa signature comme artiste, des couleurs très punchées, des motifs très graphiques, tout ça. Donc, voilà. Ben, c'est super. Alors, merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui, Andréane. Ça fait plaisir, hein? Merci à vous. Ça fait plaisir. Donc, on fait une pause de publicitaire et on revient pour la deuxième moitié de l'émission. CKRL 89.1. CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la musique tous les mardis soirs. Swing Out avec Jasmin Hinze à 20h30, Délinquant Juvénile avec David Rochette à 21h et Les Saints Patrons de la Couffaine avec Jean-Sébastien Doré à 22h30. Alors, de retour à cette deuxième demi-heure de l'aérospatiale. Depuis septembre, la Galerie des arts visuels propose au public un programme de conférences intitulé « Espace public et mobilité, bilan et hypothèse » qui réunit des artistes, théoriciens ainsi que des historiens dont la pratique aborde les enjeux de l'art dans l'espace public. On a d'ailleurs eu un très beau dossier sur l'art public et ce jeudi, le critique et historien d'art, Patrice Loubier, présente une conférence intitulée « Cacher, embusquer, survenir, pourquoi un art furtif? » Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec lui sur ce sujet. Bonsoir, M. Loubier. Oui, bonsoir, Audrey. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, merci beaucoup. Eh bien, M. Loubier, ça fait déjà de nombreuses années que vous vous intéressez à l'art furtif, on pourrait dire aussi infiltrant. Vous avez écrit plusieurs articles à ce sujet et autres, des expositions aussi, je pense. Oui, oui, ça fait partie parfois de ce genre de travail, de quelques expos que j'ai pu présenter, en effet, oui, oui. Oui. Eh bien, est-ce que pour nos auditeurs, vous pourriez décrire en quoi ça consiste l'art furtif? Bien, l'art furtif, ce qu'on pourrait dire, en fait, c'est que cette expression-là, elle vient des avions furtifs, des bombardiers furtifs qu'on a connus grâce à la guerre. C'est un peu drôle de dire, hein, qu'on oui. a grâce à, parce que ce sont des armements extrêmement redoutables. Donc, les bombardiers furtifs sont sortis lors de la première guerre du Golfe en 1991. Donc, cette idée d'une arme invisible en tant que tel a inspiré un certain nombre d'auteurs, de critiques, et le terme de furtif, on l'a adapté donc à un type d'art qui, lui, ne vise pas à agresser ou à tuer, à la différence de l'armement, bien sûr, mais qui travaille à partir d'un certain secret. Alors, on pourrait, de manière très simple, on pourrait penser à l'art furtif comme à des œuvres qui se glissent de manière incognito dans la ville, dans l'espace urbain, dans l'espace public. Donc, des œuvres qui ne semblent pas être des œuvres a priori et qui n'ont pas autour d'elles non plus un cadre ou un socle, donc une signalétique qui informerait le passant, si vous voulez, que ceci est une œuvre d'art. Donc, ces œuvres-là, très souvent, on les remarque à un moment donné et on se rend compte que parfois elles étaient là dans le paysage urbain, on les avait tout simplement pas vues. À un moment donné, on les aperçoit. Donc, je dirais que la force de ces œuvres-là, c'est la surprise, c'est l'étonnement, l'intrigue qu'elles peuvent susciter donc auprès du spectateur, de l'observateur qui tombe dessus par hasard. Alors, un autre aspect, une autre manière de comprendre l'art furtif, c'est de dire que c'est une pratique artistique qui s'émancipe d'une certaine façon de l'exposition. Donc, au lieu de présenter l'œuvre d'art au musée, à la galerie, l'artiste va dans la rue, va dans la vie en tant que telle, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Donc, il va chercher le spectateur là où le spectateur ne l'attend pas. Au lieu que ce soit le spectateur qui vienne à l'art, donc qui vienne visiter une expo au musée, par exemple, au contraire de ça, c'est l'artiste qui se déplace dans l'espace public, dans l'espace urbain, pour installer de manière souvent d'ailleurs clandestine ou anonyme son travail. Et de cette façon-là aussi, c'est un public plus large qui peut être témoin donc de ces pratiques-là. Dans ce sens-là, on pourrait dire aussi que c'est proche du street art. Alors, le street art actuel, quand on pense à un Banksy, par exemple, oui. Banksy travaille un peu comme ça. Donc, présenté, maintenant, évidemment, il est extrêmement connu, donc ses œuvres ne sont plus du tout anonymes. Oui. Mais voyez le rapport, donc, des œuvres comme ça qui existent en tant que telles dans la ville, dans l'espace public, dans l'espace urbain, dans la vie de tous les jours, au fond. Oui, et puis je pense aussi ces œuvres-là peuvent, à ce moment-là, avoir une durée de vie quand même assez intéressante aussi. L'artiste perd, en quelque sorte, une fois qu'elle est dans l'espace public, elle peut perdurer, par exemple, jusqu'à temps qu'elle se désintègre ou même durer plusieurs années aussi, je pense. Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes d'échelles de temps, hein, depuis des gestes performatifs éphémères qui durent un instant. Mm-hmm. Il y a des œuvres comme celle de Gilbert Boyer qu'on peut voir à Montréal, donc un ensemble de plaques de marbre qui ont été posées sur des immeubles d'habitation en 1988. Okay. Donc, c'était une initiative individuelle de cet artiste-là. C'était pas présenté dans un événement. C'était pas soutenu par une galerie d'art. Et c'était une initiative purement personnelle. Mais il se trouve que ces plaques-là, 11 des 12 plaques originales, sont toujours en place. Donc, ça va faire bientôt 30 ans. Et il y a encore des gens qui, même, là, je vous parle évidemment d'une œuvre furtive qui fait partie maintenant, qui s'est inscrite dans l'histoire de l'art. Donc, je parle de « Comme un poisson dans la ville » de Gilbert Boyer. Okay. C'est une œuvre qui est connue, qui est importante maintenant, mais il y a encore toujours des gens qui tombent sur ces plaques-là au moment où on se parle et qui s'étonnent, qui trouvent, qui voient donc, qui lisent les textes poétiques sur la quotidienneté qu'on peut lire sur ces plaques-là et qui sont intrigués, s'arrêtent un instant et vivent une pause à ce moment-là, parce que c'est un arrêt du temps quotidien, au fond. Mm-hmm. On marche dans la ville, on voit quelque chose d'un peu singulier, d'un peu étonnant, on s'arrête, on se gratte la tête, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est dans cette interrogation-là, qu'est-ce que c'est que ça, au fond, qu'est-ce que c'est que ce texte? C'est pas une commémoration officielle, ça ne rapporte pas la vie d'un grand personnage ou d'un grand événement historique, ça nous parle du quotidien, des gens qui marchent, un oiseau qui passe dans le ciel, bon, etc., presque comme des haïkus japonais. Oui. C'est dans cet instant un peu d'arrêt, d'étonnement, que Gilbert Boyer donc va voir l'art se manifester. Donc l'art, c'est un peu quand, pendant un moment, vous êtes un peu sorti, transporté hors de vos réflexes, de vos habitudes, et vous savez pas tout à fait à quoi vous avez affaire, qu'est-ce que vous voyez, et là votre imagination évidemment se met au travail et vous vivez une expérience, au fond, vous voyez quelque chose qui se laisse pas lire en tant que tel aussi immédiatement que les autres éléments du paysage urbain, à la différence des publicités. Donc, les publicités, elles nous matraquent, hein, elles nous livrent un message injonctif, elles nous disent un peu comment penser ou surtout comment désirer, quoi vouloir consommer. Mm-hmm. Alors, dans l'art furtif, il y a au contraire, des textes, des images, des manifestations plastiques qui incitent plutôt le spectateur, le passant, à rêver en tant que tel. Vous voyez, donc c'est un peu différent dans ce sens-là. Exact. Et puis, vous avez souligné il y a quelques instants l'importance de l'idée de l'expérience aussi, hein, de vivre une expérience qui, d'emblée, ne serait pas identifiée comme art, en quelque sorte, une expérience oui, tout autre. Oui, alors ça c'est fondamental et ça participe d'une utopie qu'on trouve dans tout le 20e siècle, dans tout l'art moderne, dans toutes les avant-gardes, c'est cette idée de vouloir fondre l'art dans la vie, de vouloir faire en sorte que l'art soit pas simplement une réalité purement symbolique, mais qu'il ait lieu dans la vie concrète, qu'il affecte les gens, quelle que soit la manière. Et un bel exemple de ça, c'est un autre exemple d'œuvre furtive, ce serait, par exemple, le travail de l'artiste canadienne Diane Borsato. À un moment donné, cette artiste-là, elle va dans des boutiques de vêtements, elle prend des vêtements sur les tablettes, elle s'en va dans les cabines d'essayage, mais au lieu d'essayer les vêtements, elle coud de petites fleurs, donc elle brode des petites fleurs dans les revers, les poches des vêtements qu'elle fait semblant d'essayer. Et ces petites fleurs minuscules qui sont dissimulées dans les vêtements, elle va, une fois qu'elle a brodé ça, elle retourne dans la boutique, ni vue ni connue, et elle retourne les vêtements en place, tout simplement, et elle imagine, dans le texte qu'elle a écrit sur cette action-là, elle imagine l'expérience que les acheteurs de ces pantalons, de ces jupes auront peut-être si jamais ils voient cette petite fleur-là. Et elle dit, ça peut être interprété comme un don, comme une contrariété, quelque chose d'un peu énigmatique, quelque chose qui perturbe, qui dérange, ou comme une révélation aussi. Alors, voyez, donc, cette idée d'expérience, elle est fondamentale. Ça peut passer par toutes sortes d'émotions, toutes sortes de réactions en tant que telles. La surprise, l'étonnement, évidemment, étant quelque chose d'extrêmement fréquent dans ce type de pratique-là. Oui. Eh bien, il nous reste seulement une minute et demie à peu près. Est-ce que on a parlé d'art furtif, mais on n'a pas parlé de votre conférence, mais j'imagine que ce sera des éléments qui seront abordés. Mais j'étais juste curieuse si vous pouviez nous dire un petit instant là, qu'est-ce que vous allez traiter également aussi là par rapport à l'art furtif dans votre conférence. Dans la conférence, donc, je vais bien sûr, comme j'ai tenté de le faire ici maintenant, je vais tenter de présenter un peu sommairement ce que c'est que l'art furtif, mais je vais surtout tenter de montrer comment il y a un passage, une transformation dans le rôle que les artistes qui font du furtif attribuent aux spectateurs. Alors, dans plusieurs des exemples que j'ai pu sur lesquels j'ai pu travailler antérieurement, l'artiste prodigue une expérience qui sera vécue ou non par le spectateur. Le spectateur est en quelque sorte le récepteur. C'est celui qui se promène dans la rue et qui reçoit, si vous voulez, un peu comme un don, le texte poétique de Gilbert Boyer ou la petite fleur dans les vêtements qui sont brodés donc par Diane Borsato. Alors, et il a pas de guide, il a pas de clé pour interpréter ce qu'il trouve, ce qu'il rencontre. C'est à lui de faire son travail de spectateur et d'imaginer, de construire un sens à partir de ça. Alors, il y a une transformation au sens où il y a des artistes depuis un certain nombre d'années maintenant qui travaillent de manière furtive, donc ils vont placer des dispositifs de manière anonyme dans la ville qui semblent pas être des œuvres d'art. Le collectif québécois, par exemple, CIN, a placé une vingtaine de tables à pique-nique de manière, encore une fois, si vous voulez, clandestine sur l'île de Montréal, dans toutes sortes d'endroits, des terrains vagues, des espaces résiduels, des boisés. Et ces tables à pique-nique-là invitent à l'usage. Donc, font du spectateur non plus un simple récepteur, mais un usager actif du dispositif qui est invité au fond, même s'il ne sait pas, lui, que c'est une œuvre d'art au départ, qui est invité à en faire usage, donc à utiliser les tables de pique-nique, par exemple, à les transformer, à les adapter. Ce travail-là, à ce moment-là, un projet comme celui-là, fait émerger, si vous voulez, ou catalyse, ou favorise une convivialité ou une socialité nouvelle dans des espaces de la ville que les aménagements urbains avaient jusque-là négligés. Donc, un passage, autrement dit, d'un spectateur qui reçoit, si vous voulez, une expérience à un spectateur qui fait sa propre expérience, oui. Si vous voulez. Ce serait un peu le résumé ou la formule par laquelle on pourrait peut-être résumer cette conférence que je vais donner. Eh bien, effectivement, on a bien hâte d'entendre tout ça. Donc, ce jeudi 4 février à 16h30, c'est à l'École des arts visuels au local 3153. Et pour ceux qui n'auraient pas l'occasion d'y assister, je sais que la Galerie des arts visuels fait une captation vidéo qui se sera rediffusée par la suite sur le site. On va pouvoir vous écouter en différé à ce moment-là. Eh bien, Patrice Loubier, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle conférence ce jeudi. Merci beaucoup, Audrey. Au plaisir. Ça m'a fait grand plaisir. Merci. Au revoir. Bon. Alors, nous allons faire une courte pause audio. On s'en va écouter Legacy. A man reaches a certain age when he realizes what's truly important. You know what that is? Love. Friendship. Love, I think. Legacy. Alors, de retour à l'aérospatiale, j'entends la France au micro. Donc, on reçoit dans cette dernière partie d'émission, Louane Bourdeau. Bonsoir. Et Bernard Hamel, qui est avec moi ici. Alors, bonsoir Bernard, ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va très bien. Donc, on parle de sculpture sur neige. Ouais, en fait, c'est le sujet qui m'intéressait. Vous le savez tous, le carnaval a commencé cette fin de semaine et une des activités du carnaval, c'est le concours international de sculpture sur neige, donc qui existe depuis 1973 puis qui est vraiment une des activités importantes du carnaval. Et ce qui m'intéressait vraiment là-dedans, c'est qu'en fait la sculpture sur neige, c'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup, ni la sculpture sur glace. Pourtant, c'est quand même une technique qui est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que j'ai invité Monsieur Hamel pour nous en parler ce soir. Donc, bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir, oui. Donc, en fait, je veux commencer par vraiment les conditions, parce que cette fin de semaine, il y a eu le concours et lundi, il pleuvait. Donc, on voit que la météo... C'est pas vraiment un hiver bon pour la sculpture sur neige, là, puis pour l'hôtel de glace non plus. Donc, c'est pas les meilleures conditions parce que ça fait des blocs... Vu qu'il pleut puis qu'il fait froid après, ben ça gèle, ça fait de la slush qui est gelée. Donc c'est quasiment de la sculpture sur glace. Donc ça prend des outils qu'on doit affûter un peu plus que dans la neige normale. OK. Puis en fait, justement, quels sont les outils pour faire de la sculpture sur neige ou sur glace? Pour commencer, simplement, ça prend des pelles, mais ça prend des outils qui sont un peu comme des ciseaux à bois, mais beaucoup plus gros. Puis des gradines comme en sculpture sur pierre, mais beaucoup plus grosses. Donc, qu'est-ce que c'est des gradines? Une gradine, c'est comme une fourchette, en fait, avec des pointes. C'est comme un ciseau à bois avec des fourchettes. OK. Puis affûté. Donc, on a les fourchettes et les ciseaux. Ouais, c'est ça, mais des couteaux aussi. Puis on peut prendre, pour des parties plus simples, plus fines, on peut prendre des gouges de sculpture, tout simplement. OK. Parce que, surtout quand la neige est glacée comme ça, là. OK. Et puis, quelles sont les différentes étapes pour aborder la sculpture? Parce que je suppose que ça, les sculptures sur neige, sur glace, on doit commencer avec des gros blocs. Ben, c'est ça, c'est de la sculpture monumentale. Donc, il faut premièrement faire un dessin puis une maquette. Puis ensuite, on peut travailler avec la méthode au carreau. Donc, on trace des carreaux sur le bloc, puis ça agrandit notre dessin ou la maquette. Mm-hmm. Puis, en fait, il faut tracer sur le bloc, les trois faces un peu pour dégrossir. Puis là, ben, c'est dégrossir. C'est comme la sculpture sur bois, mais en plus gros. Donc, c'est de la taille directe. Donc, il faut enlever de la matière. Donc, j'imagine que ça doit demander quand même une bonne notion de la spatialité, parce que là, on parle vraiment des dimensions qui sont assez... Oui, c'est ça. Pour pas perdre de... Pour pas faire de gaffe, tout ça, faut comprendre l'espace 3D. Puis, il faut être capable de bien visualiser la forme dans la masse. Donc, il faut enlever les plus grandes parties possibles pour dégrossir. Puis ensuite, là, on va chercher la forme qui est dans le bloc, là, qu'on a dessiné ou dans la maquette. Parfait. Puis, si on fait la comparaison, disons, entre... on a parlé de bois, de pierre. Est-ce qu'il y a des différences qui sont notables entre la neige et... C'est un peu les mêmes techniques, là, d'approche de la taille directe, mais c'est qu'en fait, la neige, c'est plus tendre que la pierre. Mm-hmm. Le bois, mais comme je vous dis, là, cette année, c'est comme des blocs de glace. Donc, c'est presque comme de la pierre. Parce que dans le bois, tu as le sens du bois qu'il faut que tu respectes, puis parce que ça arrache ou tout ça. Mais là, dans la neige, tu n'as pas de sens, mais il faut que tu fasses attention pour pas trop rentrer l'outil. Trop profondément. Ouais, si je peux, proche du bord, trop férocement pour pas que ça éclate, que ça fasse casser un morceau. Donc, on peut scier, on peut taper dedans, mais c'est ça, faut appliquer, faut faire attention où on picosse, si on veut. est-ce que c'est irréversible? Est-ce qu'on peut faire bonhomme de neige? Est-ce qu'on peut comme remplir les cracks? Oui, il y a moyen de venir reboucher avec de la neige, mais c'est pas, ça tient pas très bien. On peut faire de la slush, mais ça dépend des concours, là. En général, t'as pas le droit de venir mettre de l'eau dans ton... Mais tu peux recoller des pièces, oui, en faisant de la slush, puis... Mais ça paraît toujours, là, puis c'est moins... ça reste quand même fragile. Très bien. Puis, j'ai vu que cette fin de semaine, vous avez été au Festiglisse, donc, qui avait lieu à Pointe-aux-Lièvres. C'était avec des familles qui venaient travailler comme néophytes la neige. Qu'est-ce qu'on donne comme conseil à quelqu'un qui veut commencer à faire de la sculpture sur neige? Ben c'est ça. Là, je leur disais qu'il faut commencer à regarder le bloc puis essayer d'enlever, de dégager la forme principale en dégageant, donc en se gardant des points de repère par rapport aux dessins qui se sont faits ou à la maquette, puis enlever le plus gros qu'on peut, puis ensuite aller dans le raffinement de la forme, là. Très bien. Donc, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. On découvre vraiment un univers, un médium qui, étonnamment, fait partie un peu de la tradition, si on veut, avec le Carnaval de Québec, mais qu'on connaît peu dans le domaine des arts visuels. Bien, il y a beaucoup d'étudiants. J'enseigne à la Maison de métiers d'art de Québec, puis il y a beaucoup d'étudiants qui font des concours collégiaux et au Carnaval. Donc, c'est quelque chose qui est bon parce que tu travailles en monumental, donc c'est différent que de travailler en petit. Oui. Puis, mais c'est comme underground, mais ça ne l'est pas. Mais c'est les mêmes techniques qu'on va utiliser, mais dans la neige, vu qu'on est dans un pays nordique. Oui, ah oui. Ben, merci beaucoup pour cette belle entrevue. On va partir en pause audio. On va écouter la pièce Free de Araxis. You've got everything except one thing, madness. A man needs a little madness, or else, he never dares cut the rope and be free. comme à l'habitude, juste avant de terminer l'émission, on fait un rappel des événements de la semaine. Et Jean-Tiane, il y en a plusieurs cette semaine. Je vais commencer par les expositions qui se terminent cette semaine. Donc, dernière chance pour aller voir les expositions de Maxime Bruno et Gino Quentin à l'Œil de Poisson. Ça se termine dimanche le 7 février. À la même date vont se terminer les expositions de Elise Hoffman et Jonas Saint-Michel à Vue. Bande d'essai qui va également se terminer dimanche le 7 février. Donc, c'est à la Galerie des Arts Visuels, l'exposition qui regroupe Rosalie Gamache, Angela, Eve, Marche, Florence Morissette et Andréane Perron. Également, Robert Filliou en archive qui se termine dimanche. Et samedi sera le dernier jour pour aller voir l'exposition Pluie de Marianne Kluger à la salle d'exposition du pavillon des Jardins de l'Université Laval. Oui. Pour ce qui est des conférences, comme on a eu Patrice Loubier en entrevue, c'était dans le cadre, évidemment, de sa conférence qui va avoir lieu à la Galerie des Arts Visuels de l'Université Laval, jeudi le 4 février entre 16 et 17 heures. Donc, caché, embusqué, survenir, pourquoi un art furtif, s'intitule la conférence. Et trois vernissages cette semaine. Raphaël de Groot va se présenter au Musée national des Beaux-Arts demain, le 3 février à 17h pour ouvrir son exposition. Également, des vernissages à Regard à Lévis. Donc, Chami Tomassini et Ludovic Bonnet exposent dans les espaces d'exposition et la vitrine sera consacrée à l'exposition du Mois Multi. Également, à la Galerie 3, un collectif de la galerie le 5 février, tout comme à Regard à Lévis. Et bien sûr, une multitude de spectacles, de vernissage d'installation dans le cadre du Mois Multi que je n'énumérerai pas ici, mais je vous encourage à aller voir leur programmation sur leur très beau site web. Merci. Et il faut dire, la Galerie 3 aussi célèbre son premier anniversaire. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, bien, c'est tout pour nous. On vous invite, bien sûr, à consulter notre page web, aérospatiale.wordpress.com. Je remercie nos invités, Mikael Bilinski, Patrice Loubier et Bernard Hamel, ainsi que nos collaborateurs, Simon Roy, Andréane Lesage, Louane Bourdeau, le merveilleux Jacques Gignac à la mise en onde et ma précieuse comparse, Jean-Tiane Lafrance. On se retrouve mardi prochain et c'est restez à l'écoute parce que c'est Pierre Blais avec l'émission Situation Critique. Alors bonsoir Audrey. Bye. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation Critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulézard.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Millennium pour millénaire et non pour Lisbeth Salander. Millennium pour 1000 ans de musique qui vous sont proposés tous les mardis soirs dès 19h30. Il y a deux sortes de musique, disait Duke Ellington. La bonne et la mauvaise. Millennium vous propose la première dans tous les genres et de toutes les époques. Ainsi, le troubadour Muddy Waters côtoiera son ancêtre Bernard de Ventadorn. Chopin et Catherine Major partageront leur clavier et Frank Zappa se disputera avec Miles Davis. À ne pas rater, c'est Gilles Chomel qui régale. Chaque trousseau de clés perdues a une histoire. L'Association des amputés de guerre le sait bien, car tous les ans, elle retombe plus de 14 000 trousseaux de clés à leurs propriétaires. Merci au service des plaques porte-clés des amputés de guerre. J'ai perdu mes clés et la télécommande de ma voiture dans un parc. Plus tard, j'ai eu l'heureuse surprise de les recevoir par messagerie. C'est un service hors pair. Les plaques porte-clés de l'association, ça fonctionne et c'est gratuit. Commandez-les à amputedeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. En février, le cinéma Le Clap accueille les familles. Voyez dès maintenant Le Garçon et le Monde, nommé aux Oscars. Le Petit Prince dès le 12 février. Belle et Sébastien 2 et Avril et le Monde truqué dès le 19 février. Et Phantom Boy dès le 26 février. Du 26 février au 6 mars, ne manquez pas la 5e édition du FCEQ. Profitez de nos forfaits cinéma en famille comprenant entrée et combo à partir de $22.95. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Aujourd'hui, à Situation Critique, des commentaires sur deux longs-métrages québécois qui viennent de prendre l'affiche, Early Winter et Là où Atiya passe. Aussi, le dessin animé fort attendu, le troisième volet des aventures de Kung Fu Panda. Également un film en nomination aux Oscars, un film tourné en Turquie mais qui représente la France, Mustang. Et enfin, entrevue avec le réalisateur Christian Mathieu Fournier pour son documentaire qui arrive en salle vendredi, un film intitulé Nalua, tourné non loin de l'île de Baffin.